Section 42. Des histoires générales du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Chapitre 8. Troisième partie. Les communes. Suite par Arthur Giry et André Réville. Constitution intérieure des communes. Citoyens et bourgeois. Chez elles, les communes étaient en totalité ou en partie maîtresses de leur destinée. Elles légiféraient, rendaient la justice, présidaient à l'administration publique et géraient leurs finances. Mais que faut-il entendre par ce mot « les communes » ? De quels éléments se composait cette collectivité dirigeante ? Dans le principe, il est à présumer que ceux-là gouvernèrent dans les villes affranchies, qui s'étaient ligués entre eux, conjurés, pour obtenir de leur seigneur la concession de liberté. Mais il faudrait savoir si cette association était nombreuse, ouverte à tous ceux qui voulaient y entrer, ou si au contraire, c'était une coterie fermée. À l'époque héroïque des luttes et des négociations périlleuses, tout porte à croire que les meneurs devaient recruter le plus d'auxiliaires possible et que tous les manants se trouvèrent sans doute engagés dans la commune, quelques-uns même à contre-cœur. Ce régime large de participation universelle se perpétua dans certains centres. Guillaume, comte de Fort-Calquier, octroyant en 1206 une charte à Manosque, permettait aux habitants de s'assembler quand ils le jugeraient bon. À Marseille, le peuple entier était consulté sur les affaires importantes. À Lyon, les actes publics étaient tous intitulés de la façon qui suit. Nous, les citoyens, et le peuple et la communauté de la cité de Lyon, réunis selon l'usage, etc. De même à Beauvais, à Senlis, à Rouen, quiconque résidait dans l'enceinte des murailles et dans les faubourgs devait jurer la commune. Si quelques-uns s'y refusent, disait la charte de Compiègne, tous les autres feront justice de son avoir. Alors, tous les habitants, sans exception, recevaient le titre de citoyen ou de bourgeois. Citoyen dans les cités épiscopales, bourgeois dans les autres villes. Mais le plus souvent, l'exercice des droits politiques fut le monopole d'un ordre privilégié. Parfois, les serfs, les enfants naturels, les endettés en étaient privés. Quelquefois même, toute la classe ouvrière. Bien des constitutions municipales, comme celle de Soissons, de Noyon, de Laon, portaient qu'il ne suffisait pas, pour en jouir, de résider dans l'enceinte locale, mais qu'il fallait y posséder une maison. Encore devait-on, après avoir satisfait aux conditions préalables, payer une taxe d'entrée qui variait selon les lieux et quelquefois avec le degré de fortune du candidat. Alors les propriétaires seuls participaient aux bénéfices et aux honneurs de l'association. De même qu'il fallait acquérir les droits politiques, on pouvait aussi les perdre pour cause d'indignité. À Tournai, un meurtre entraînait la dégradation civique du coupable, mais il pouvait se racheter moyennant 4 livres parisis. Quant aux nobles et aux gens d'église, leur situation variait. Admis ici, ailleurs on les repoussait. En Italie et dans le midi de la France, les vavasseurs, les capitaines, les chevaliers tenaient une place importante dans les villes et jouissaient de toutes les franchises publiques. Mais dans les centres septentrionaux, d'ordinaire les 2 premiers ordres en étaient honnêtement écartés. Les nobles et les clercs étaient parfois autorisés à jurer la commune, mais ils n'y entraient point. Cette loi néanmoins, comme toutes celles du Moyen Âge, subissait d'assez nombreuses exceptions. À Saint-Quentin, à R, il y avait des chevaliers dans le corps politique. Un acte de Philippe Auguste de 1180, relatif à Corbie, spécifiait que l'association municipale se composait de chevaliers, de clercs et de bourgeois confédérés. On vit même, au commencement du XIIIe siècle, un puissant baron, Enguerrand de Coucy, citoyen de Laon, et un seigneur du Ponthieu, maire d'Abbeville. Mais ces exceptions n'infirmaient pas la règle dominante. Ainsi, en bien des cas, les libertés n'appartenaient qu'à une minorité, la plèbe, les artisans, ou, comme on disait, le commun, n'avaient aucune part à l'administration. La classe des riches commerçants exerçait seule le pouvoir, augmenté dans le midi de quelques nobles. Eux seuls étaient citoyens ou bourgeois, et non les manants. « Manants, dit un contemporain, sont ceux qui demeurent des villes et cités et n'ont point franchise de bourgeoisie. » Et à mesure que se développa la prospérité des villes, que les privilèges municipaux devinrent plus souhaitables, les honneurs plus lucratifs, les nouvelles admissions se firent plus rares, et la caste des gouvernants tendit à se restreindre. Démocratique de place en place, ce régime consacra d'ordinaire le règne d'une sorte d'aristocratie censitaire. Quelquefois même, il fut la proie de l'oligarchie. Assemblée générale des habitants. Le Parlement. Dans un certain nombre de communes, la source de toute autorité résidait dans l'Assemblée générale des citoyens ou des bourgeois. Non seulement elle nommait les magistrats, mais pratiquait en partie le gouvernement direct, délibérait sur les affaires importantes, acceptait ou repoussait les impôts. Dans les villes du Midi, ce congrès portait le nom de Parlement. À Aix, au commencement du XIIIe siècle, les notables, probis homines, se réunissaient de temps à autre, in pleno parlamento. À Narbonne, on convoquait l'Assemblée au moins une fois par mois, très fréquemment aussi à Sisteron, à Montpellier. À Marseille, le peuple entier se groupait sur la place de Sainte-Marie des Accoules, devant l'hôtel de ville. Palatium, Communis, Massili. Du balcon, on lui faisait part des délibérations du Conseil, des projets élaborés, et il les approuvait au moyen d'acclamations ou les repoussait par des cris aigus. À Lyon, en 1292, toute la cité, sans exception, fut appelée à l'église Saint-Nizier, solennellement, au son de la grande cloche, pour accepter ou repousser la garde du roi de France. Une grande multitude de peuples s'y présenta, plus des deux tiers des citoyens, et toute la réunion agréa ce qu'on lui proposait. Et détail intéressant, nous lisons dans ce document que ce meeting n'avait rien d'extraordinaire. More solito. Il y avait là les apparences au moins du gouvernement direct. Mais celui-ci n'était possible que dans les cas les plus simples, quand les questions étaient nettement posées, et que le corps politique dans son ensemble n'avait plus qu'à se décider par l'affirmative ou la négative. Encore, la consultation était-elle bien sincère, bien concluante sur les sentiments de la majorité? On oserait l'affirmer, surtout dans les grandes villes, sauf quand elle possédait le droit d'élire les officiers publics. L'Assemblée ne pouvait exercer sur la conduite des affaires qu'une action intermittente, un contrôle mal assuré. Les magistrats municipaux, les villes du Midi. Tout autre était le rôle des magistrats, C'était eux qui réellement gouvernaient les communes et les administraient. Il n'y avait rien d'uniforme dans l'organisation de ces magistratures, ni le nombre, ni les dénominations, ni le recrutement. Dans le midi de la France, ces fonctionnaires municipaux recevaient souvent le nom de consuls ou conseillers, conciliari. Il y avait des consuls à Marseille, Avignon, Narbonne, Lectoure, Albi, Montpellier, etc. À Toulouse, où leur réunion constituait le chapitre, capitulum, on les appelait tantôt consuls de capitulo, tantôt capitulari, terme qui en langue vulgaire a donné capitule. Et voilà pourquoi on a désigné l'hôtel de ville par le mot de Capitole, qui ne doit nullement se rattacher à de prétendues traditions de l'Antiquité, comme la vanité locale l'a vainement soutenue dès le XIVe siècle. À Bordeaux et dans la région environnante, à La Réole, Mont-de-Marsan, Dax, les pouvoirs appartenaient à un maire et à des jurats, jurati, mot d'où l'on tira au XVIe siècle pour dénommer leur collège, l'expression savante de jurade. Ailleurs, c'étaient des syndics qui gouvernaient. Le nombre de ces officiers variait souvent de 2 à 6. Il était parfois plus considérable. Il y avait 8 consuls à Avignon, 12 à Marseille, 24 à Toulouse et 50 jurats à Bordeaux. À Montpellier, on distinguait 12 consuls majeurs, chargés de l'administration, et 7 consuls représentant les 7 classes d'habitants. En général, ils ne gouvernaient pas seuls, mais avec l'aide d'un ou 2 conseils. Qui constituaient de véritables cours délibérantes. Ainsi, à Marseille, il y avait au XIIIe siècle un collège de 89 personnes. L'immense majorité des membres, soit 80, était prise dans la première classe des citoyens, celle des riches bourgeois. La seconde classe, celle des clercs pourvus du titre de docteur, fournissait 3 autres représentants. Enfin, le reste se composait de 6 chefs de métier. À Arles, le publicum concilium comprenait l'archevêque, les consuls et les habitants les plus considérables, principes. À Bordeaux, sous la domination anglaise, au XIIIe siècle, les magistrats étaient doublés de 2 assemblées, l'une de 30 conseillers, l'autre de 300 citoyens, élus sous le nom de défenseurs. Quand il y avait élection, le système variait d'une cité à l'autre. À Lectoure, à Albi, les consuls étaient désignés au suffrage direct par l'ensemble des citoyens. Mais ce régime était trop simple pour être adopté partout. Et l'esprit confus de nos ancêtres lui préférait souvent des modes infiniment compliqués. S'ils attribuaient en général une part d'autorité aux membres de la commune, ils connaissaient aussi un droit spécial de vote aux magistrats sortants de charge. On combinait ces 2 éléments à doses inégales, et de cette composition sortaient les corps électoraux les plus diversement constitués. Ainsi, à Montpellier, les bourgeois nommaient des électeurs du second degré, qui s'adjoignaient aux consuls sortants, et tous ensemble choisissaient 60 notables, entre lesquels on tirait au sort les nouveaux officiers. Très fréquemment, les habitants des villes étaient partagés entre plusieurs classes, et chacune d'elles avait ses représentants en nombre déterminé. Les nobles, en particulier, élisaient presque toujours des magistrats distincts de ceux des bourgeois. À Arles, il y eut 2 consuls de chaque ordre, et plus tard, 4 consuls nobles contre 8 bourgeois. À Cordes, ils étaient 2 sur 6. À Rabastan, 2 sur 8. à Nîmes en 1208, pour aider au maintien de la paix publique, on décida que les bourgeois désigneraient les consuls nobles et les nobles les consuls bourgeois. En quelques villes, enfin, le seigneur conservait le droit d'influer sur l'élection. Ainsi, l'archevêque d'Arles y prenait part. En 1207, les officiers qui sortaient de charge, ne pouvant se mettre d'accord pour désigner leur successeur, l'archevêque créa de nouveaux consuls de son autorité particulière. Et le peuple les accepta avec gratitude et bienveillance. Ailleurs, le suzerain choisissait ses magistrats sur une liste de présentation dressée par les électeurs. Parfois, il ratifiait seulement l'élection, sans y participer. Le seul caractère commun à tous ces modes de recrutement, c'est que les hautes charges dans les villes du Midi n'étaient accessibles qu'à deux classes, aux nobles et aux gros bourgeois, non à la plèbe. Presque partout, les citoyens étaient divisés en factions, si bien qu'il fut parfois impossible de trouver parmi eux des dépositaires impartiaux des pouvoirs publics. Aussi, plusieurs villes de Provence, à l'exemple des cités italiennes, eurent-elles recours à la singulière institution du podestat. Marseille, en 1214, Arles, en 1220, Avignon en 1223, appelèrent à leur aide des étrangers de bonne réputation, presque toujours des nobles italiens, qui, indifférents aux rivalités locales, juraient de gouverner sans haine, sans faveur, sans crainte, sans profit personnel. Ils étaient alors investis de plein pouvoir et toute la Constitution leur était subordonnée. Ce fut la dictature provisoire, superposée au régime communal. Elle se perpétua jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Le trait le plus caractérisé de l'organisation des villes méridionales, qui se dégage en dépit de la variété infinie des formes, c'était leur indépendance. Elles se gouvernaient elles-mêmes, par l'organe de magistrats qu'elles avaient choisi, seules ou tout au plus avec l'intervention de leur seigneur. Très libres, au dehors, elles étaient très autonomes au dedans. Magistrature des communes du Nord. Il n'en était pas de même dans le Nord. Là, les magistrats communaux portaient aussi des noms divers, en Flandre, en Artois, en Picardie, en Bourgogne, ils s'appelaient généralement échevins, comme les juges locaux de l'époque carolingienne, dont ils avaient conservé en partie les attributions. Ailleurs, et notamment dans l'Ouest, c'était des jurés, terme identique à celui de jurat, qui s'appliquait aux magistrats de la région bordelaise. Souvent, on les nommait pairs. Dans certains centres, il y avait accumulation des noms les plus variés. Saint-Quentin avait deux conseils juxtaposés, celui des échevins et celui des jurés. L'île était gouvernée par des échevins, des ribards, des voires jurés, verre jurati, des jurés, des comtes de la Hanse. Rouen, ainsi que toutes les localités où se propagèrent les célèbres établissements de cette ville, étaient administrées par une réunion de 100 pairs et par deux petits corps, l'un de 12 jurés, l'autre de 12 conseillers, pris parmi les 100 pairs. En outre, à la tête de chacune de ces communes se trouvait un personnage, quelquefois deux ou trois, pourvu de l'autorité suprême et chef de la municipalité. C'était le maire ou mailleur, major. Par exception à Tournai, cet officier s'appelait le prévôt, à Autun, le vierge, à Lille, le rébard. Les chartes nous renseignent très mal sur les principes d'après lesquels ces magistratures se recrutaient. On a longtemps répété que le caractère fondamental de toute commune était d'avoir des magistrats élus par les habitants, périodiquement. C'est une erreur. En beaucoup de communes, et non des moins puissantes, ils étaient désignés par le Seigneur. À Cambrai, l'archevêque nommait les échevins et les jurés. Le vieillard d'Autun n'était autre que le fermier du duc de Bourgogne. Celui-ci choisissait aussi le maire et les échevins de Dijon. D'après les établissements de Rouen, le maire devait être pris par le duc de Normandie sur une liste de 3 candidats, dressée par le corps municipal. La charte de Corbie disait « L'Esquevin et l'Esquevinage de la dite ville sont et appartiennent à l'Église. » Parfois aussi, le collège des officiers publics se recrutait lui-même par cooptation. À Rouen, la puissance réelle était concentrée dans les mains de 100 pairs qui déléguaient certains d'entre eux aux fonctions de juré et de conseiller. Or, quand l'un de ses pairs venait à mourir, les autres le remplaçaient immédiatement, sans consulter le reste de la commune. De ce qui précède, il résulte enfin que souvent les magistrats n'étaient pas soumis non plus à des réélections périodiques. À Bruges, à Bruxelles, en bien des localités, leur office était viager. En revanche, dans d'autres villes, comme Ati, le maire et les 12 jurés étaient annuellement nommés per communem, electionem et ascensum vile. Ces anomalies s'expliquent si l'on se rappelle que les constitutions communales, véritables contrats rédigés à la suite de négociations, d'achats, de guerres, étaient faites de compromis, que les bourgeois, loin de modifier de fond en comble les organes existants de l'administration seigneuriale, les conservèrent le plus qu'ils purent et se contentèrent de les adapter en gros à leurs besoins, dans la mesure où le maître y consentait, qu'ils furent capables ici de les confisquer à leur profit, obligés ailleurs de les partager avec le suzerain. C'est ainsi que l'échevinage, ancien tribunal carolingien, que les barons s'étaient appropriés, devint presque partout le corps de ville, conservant souvent l'aspect d'une institution mixte, à la fois féodale et communale. Il est juste d'ajouter que de plus en plus, au cours du XIIIe siècle, les villes tendirent à déposséder le seigneur, à accaparer l'échevinage et à le rendre annuel. Gand réalisa ce progrès en 1212, Montdidier en 1220, Bruxelles en 1234, Lille en 1235, Bruges en 1241. Une concession analogue fut octroyée à Douai en 1228. Mais par une curieuse particularité, les magistrats de cette ville n'étaient soumis à la réélection que tous les 13 mois. Si cette transformation rehaussait l'indépendance des communes dans leur ensemble, elle ne profita guère à la masse des habitants. La plèbe avait peut-être pris sa part à la révolution communale, soutenue de toutes ses forces, les revendications publiques, mais il ne semble pas qu'elle ait dès l'abord prétendu aux honneurs municipaux. Elle avait simplement changé de maître. Loin de se réduire, la distance qui séparait la haute bourgeoisie du menu peuple alla sans cesse en grandissant. Si variés, si compliqués que fussent les modes d'élection, ils avaient pour résultat uniforme de maintenir perpétuellement les mêmes familles au pouvoir. Ces clans privilégiés, qui fournissaient toujours les échevins, portaient dans les villes de Flandre et de l'Est un nom spécial, celui de lignage ou de parage. il formait une aristocratie étroite qui se resserra de plus en plus. Parfois, il se fondait sur d'anciens titres pour justifier et légaliser en quelque sorte le monopole dont il jouissait. Ainsi, à Verdun, vers la fin du XIIIe siècle, trois familles prétendaient qu'elles avaient autrefois fourni la somme de 20 000 livres pour acheter à l'évêque la vicomté de la ville, et elles partaient de là pour revendiquer la possession exclusive des magistratures municipales. Moins savantes, moins indépendantes de toute ingérence seigneuriale, la constitution municipale des villes du Nord était encore plus oligarchique que celle des cités méridionales. Pouvoir des magistrats communaux, la justice. Ces magistrats, organes de la commune, quoiqu'ils n'en fussent pas toujours les mandataires, exerçaient des pouvoirs en son nom. Quels étaient ces pouvoirs, ces prérogatives? Les mêmes précisément qui étaient attachés à la possession d'une baronnie. Tout d'abord, et c'était l'un de leurs droits essentiels, ils rendaient la justice à leurs concitoyens, comme un seigneur la rendait à ses vilains. Ne disait-on pas au Moyen Âge, fief et justice sont tout un? Or, les puissantes agglomérations du Midi, les villes jurées du Nord, possédaient une juridiction aussi illimitée que celle des seigneurs. Elles infligeaient les amendes, les coups, la peine capitale. Elles avaient leur pilori, où elles exposaient et flagellaient leurs condamnés, leur potence, où leurs bourreaux exécutaient les plus coupables. On a même voulu faire de ce droit l'un des attributs essentiels des villes de communes. C'est un tort, et certaines d'entre elles, reconnues comme telles par tous les textes, et par leur charte même, ne le possédaient qu'en partie. Dans les centres où dominait la constitution dite des établissements de Rouen, les jurés, qui chaque année étaient élus par les pairs, connaissaient des causes civiles et criminelles. Mais aux criminels, ils n'exerçaient que la moyenne et la basse justice. La haute justice appartenait aux officiers du suzerain. Les premiers édictaient l'amende, la prison, le pilori, mais seuls les derniers prononçaient les mutilations ou la mort. D'autres communes n'avaient qu'une simple juridiction de police et de voirie. Dans quelques-unes même, on n'en trouve pas la moindre trace, ainsi à Chauny, en Picardie. Les érudits ont longuement disserté sur les origines de ces prérogatives judiciaires et se sont demandé comment de simples bourgeois avaient réussi à démembrer, dans une aussi large mesure, les souverainetés féodales. Pour expliquer ce fait, il faut se rappeler d'abord que les tribunaux d'échevins furent souvent le centre des nouvelles franchises, que ces magistrats, tout en restant des juges, devinrent fréquemment les premiers officiers de la commune. Quand, au contraire, les circonstances laissèrent à l'échevinage son caractère seigneurial, la communauté n'en acquit pas moins une juridiction propre. Par une loi fatale, suivant laquelle toute autorité tend à s'agrandir, par une extension naturelle des droits de police, dont les administrateurs municipaux étaient investis, du droit de vengeance, d'arcin, d'abattis, qu'ils exerçaient contre tous ceux qui offensaient la ville ou lésaient ses intérêts. Par suite, enfin de la solidarité, qui en vertu même des chartes de fondation, ordonnait à tous les bourgeois de se prêter main forte et de s'entraider. La pratique journalière de ces droits, de ses usages, entraînait avec elle une sorte de juridiction qu'il était aisé d'accroître par une série continue d'usurpations. Morcellement judiciaire des villes. D'ailleurs, on se ferait une idée fausse de ces villes, fussent-elles les plus favorisées, en se figurant que la population entière y relevait des magistrats municipaux. En général, il s'y maintenait des enclaves, des îlots, qui ressortissaient du roi, du suzerain ou de seigneurs particuliers. Dans les cités épiscopales, l'évêque et son chapitre conservaient toujours la juridiction du cloître, souvent aussi celle d'une partie de la localité, quelquefois même de la cité entière, car il arrivait que le bourg fût seul affranchi. Les églises, les abbayes se réservaient également leur domaine. Fréquemment le château, la forteresse, restait soumis à un châtelain, à un vicomte ou à un vidame, vassal ou officier du suzerain, de l'évêque ou du roi. Enfin, d'autres personnages pouvaient posséder, dans l'enceinte elle-même, des fiefs soustraits à la juridiction de la commune. Une rue, un quartier par exemple, comme celui de l'abbaye de Saint-Vaast à Arras. À Amiens, la justice municipale était juxtaposée à celle de l'évêque, représentée par un vidame, à celle du roi, représentée par un châtelain, et à celle du comte, représentée par un autre châtelain. Ainsi, les communes ne comprenaient jamais le territoire entier des villes sur lesquelles elles étaient établies. Elles s'efforçaient, il est vrai, de le conquérir morceau par morceau, profitant de toutes les circonstances, procédant ici par voie d'empiètement, d'usurpation, là au moyen de négociations, à prix d'argent. Tournée prit à l'évêque sa justice entière, mais bien rares furent celles qui parvinrent à ce but. Lors même qu'elles réussirent à dominer sur l'ensemble du territoire compris entre leurs murailles, il y demeurait une foule d'habitants que leurs conditions sociales dérobaient aux atteintes de la loi communale. Les nobles ressortaient justiciables des juridictions féodales, les clercs du fort ecclésiastique. Les serfs appartenaient toujours à leur maître, sans compter certaines catégories de personnes que l'on rencontre dans la plupart de ces localités et qui, sous le nom de francs hommes, francs bourgeois, francs sergents, jouissaient de différentes immunités et relevaient de tels seigneurs, de l'Église ou du roi. Ces observations, trop souvent omises par les historiens des villes, sont indispensables si l'on veut se représenter ce qu'était une commune à l'intérieur, comment se déroulait la vie quotidienne des habitants. Mais ces constitutions si différentes d'un lieu à l'autre, ces prérogatives judiciaires si inégalement réparties, cet enchevêtrement de domaines, se touchant et se pénétrant jusqu'à la confusion, n'étaient pas de nature non plus à distinguer les villes des fiefs. Il suffit de jeter les yeux sur la carte d'une province féodale pour voir combien les terres nobles empiétaient les unes sur les autres, se mélangeaient en un inextricable chaos, de combien de trous les fiefs étaient percés de place en place. Fin de la section 42, enregistrée par Margot.